بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne devancez pas dans vos décisions les ordres de Dieu et de son messager, et observez vos devoirs envers Dieu. Certes, Dieu entend tout, et il est omniscient. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ô vous qui croyez, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète. Et n'élevez pas le ton lorsque vous vous adressez à lui comme vous le faites entre vous. Sans vous en rendre compte, vous risqueriez de rendre vos œuvres vaines. Ceux qui baissent leur voix en présence du messager de Dieu sont ceux dont Dieu a éprouvé la piété du cœur. Il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Certes, ceux qui t'interpellent de l'extérieur de tes appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Si seulement ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à leur rencontre, voilà qui serait plus convenable de leur part. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui croyez, si un malfaisant vous apporte une nouvelle, prenez soin d'en vérifier la véracité, de crainte que par inadvertance vous portiez atteinte à des gens innocents, ce dont vous auriez ensuite à vous repentir. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et sachez que le messager de Dieu est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous sombreriez sûrement dans la détresse. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans votre cœur. Et il vous a fait détester l'incroyance, l'obscénité et la rébellion. Voilà ceux qui sont bien guidés. C'est là en effet un bienfait et une grâce de Dieu, et Dieu est omniscient et sage. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Et si deux groupes de croyants entrent en conflit, tentez de les réconcilier. Et si l'un des deux groupes agresse l'autre, combattez l'agresseur jusqu'à ce qu'il se conforme au commandement de Dieu. Puis, une fois qu'il s'y est conformé, rétablissez la paix entre eux, en toute justice, et veillez à demeurer équitable, car Dieu aime ceux qui sont équitables. Les croyants sont frères les uns des autres, alors rétablissez la paix entre vos frères, et craignez Dieu. Peut-être vous fera-t-il miséricorde. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui croyez, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne dénigrent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous calomniez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. De telles perversions s'allient mal à la foi que vous professez, et ceux qui ne s'en repentent pas, les voilà les injustes. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui croyez, évitez le plus possible de soupçonner les autres, car une part de la conjecture est péché. Ne vous espionnez pas les uns les autres et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair du cadavre de son frère? Non, vous en auriez horreur. Ainsi en est-il de la médisance. Et craignez Dieu, certes, il est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô homme, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. Certes, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la meilleure conduite. Certes, Dieu est omniscient et très bien informé. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Les Bédouins disent « Nous croyons ». Dis-leur, ô Mohammed, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis ». Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous fera rien perdre de la récompense de vos œuvres. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont simplement ceux qui croient en Dieu et en son messager, et qui, par la suite, ne sont plus jamais sujets au doute. Ils font effort de leur bien et de leur personne sur le chemin de Dieu. Tels sont les croyants vraiment sincères. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dis-leur, ô Mohammed, est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion, alors que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dieu embrasse tout de sa science. Il te rappelle leur conversion à l'islam, ô Mohammed, comme s'il s'agissait d'une faveur qu'il t'avait faite. Dis, ne considérez pas votre conversion comme une faveur envers moi. C'est plutôt Dieu qui vous a fait une faveur en vous guidant vers la foi. Si toutefois vous êtes sincères, certes, Dieu connaît le monde invisible des cieux et de la terre, et il voit clairement tout ce que vous faites.